Laissez-moi sur le T-Max en casque, j'suis sûrement calibré. Pour la cynophile, c'est mort, ils peuvent pas m'attraper. Et tu peux me croiser vers le vieux port, dans la suite défoncée. Sa grand-mère, j'suis tombé encore, mais bon, c'est la cité. Wesh, le S, c'est comment? Les blocs, une conce, il reste un joint dans le fond de la capsule. Tranquille, j'vais rien dire, eux, c'est des cons. Si j'le réponds, ils vont me dire que j'abuse. Et ce soir, le S, j'te jure que c'est mort, il faut un cul du sud. J'ai rangé tes mains.